Section 75 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. La lecture, tome 6e, section 75, La lettre, par Albert Delpy, chapitre 3. Fernande achevait sa toilette pour sortir. Il était 5 heures, le moment où elle partait d'habitude pour se jeter dans les bras de son amant. Depuis le déjeuner, de cruelles pensées hantaient son âme, et peu à peu, sa souffrance usait sa jalousie. L'amour commençait à revivre en ce corps blessé à vif. Comme le monde lui semblerait vide, si Henri ne le remplissait plus. Monsieur de Rion parut brusquement. « Excusez-moi de venir sans me faire annoncer, » dit-il, « mais j'avais hâte de réparer un oubli. On m'a remis cette lettre tantôt, par erreur. Je l'ai décachetée sans y prendre garde. La voici. » Et, la regardant bien en face, il lui tendit la lettre d'Henri Servin. Son mari avait lu. 1000 pensées se ruèrent dans le cerveau de Fernande. Elle sentit le drame qui s'accrochait après elle. Elle l'accepta vaillamment. Elle se rappelait la conversation du matin. Son mari ne ferait pas d'éclat. Cependant, si c'était un piège, s'il la chassait, eh bien, elle pardonnerait à l'infidèle et tous deux iraient cacher leur bonheur n'importe où. Elle aussi regarda le comte, bien en face. Puis, elle lut. À la dernière ligne, elle jeta un cri, une interrogation farouche. « Henri ?»« Mort !» Elle tourna sur elle-même et s'abattit comme un oiseau blessé. Mais bientôt, elle se releva. Lentement, mécaniquement, et sans prononcer un mot, sans verser une larme, elle traversa la chambre, puis les salons. Elle marchait droit devant elle comme une hallucinée. Arrivée dans la cour, elle franchit la haute porte cochère. Un fiacre passé, elle l'arrêta. « À la Samaritaine !» dit-elle au cocher avec la voix sans rythme des folles. Elle demeurait immobile, le corps droit, sans s'appuyer au fond de la voiture, n'entendant rien, ne voyant rien. Quand le fiacre s'arrêta sur le quai, elle descendit automatiquement les degrés de pierre usés, prit le petit pont et monta sur le bateau. Là, elle s'arrêta, contemplant la scène hospitalière. Un grand brasier flambait dans son cœur. Il lui fallait toute cette eau pour l'éteindre. Et elle se laissa glisser dans le fleuve, se roulant avec volupté dans ce grand linceul vert. Sur le bateau, sur le quai, on se démenait, on criait. « Elle n'a rien ! On l'a retirée tout de suite !» Pas même eu le temps de prendre froid. Et Fernande, d'abord mise nue par 2 filles de service de la Samaritaine, ensuite enveloppée dans des couvertures de laine, gisait sur le lit banal de la patronne de l'établissement. Odeur en attroupement bavarde. Monsieur de Rion avait suivi la comtesse. Il fondait l'attroupement, entra dans la chambre, s'entendit vite avec le commissaire de police, remercia tout le monde, déposa discrètement un billet de 1000 francs sur le cheminée et fit transporter sa femme dans une voiture qui les ramena. La malheureuse ne revint à elle que dans son lit et se rappela tout. Horreur! Elle avait cru s'endormir dans la mort paisible et elle se réveillait dans la vie cruelle. Elle regarda vaguement. Une lampe éclairait la chambre. Elle sentit l'œil froid de son mari sur elle. « Vous n'avez pas oublié, ma chère, » dit-il d'une voix lente. « Dans 2 heures, la première de Douma, fils, il faut que tout Paris vous voie. » L'épouvante le saisit. Monsieur de Rian ajouta d'un ton bref, dominateur. « Vous comprenez, je ne peux pas être ridicule. Vos femmes sont là, elles vont vous habiller. » Et ses filles prirent ce cadavre vivant et elles le vêtirent. Et cette désespérée se laissait faire, n'ayant pas de force pour résister, pas de voix pour s'indigner. Terrifiante avec ses yeux sans larmes, ses yeux de folle muette, avec son visage blanc comme une cire, avec ses sécoumons de corps périodiques et convulsifs. Et la robe décolletée à longue traîne étala ses miroitements d'étuffes, et les diamants étincelèrent sur ses épaules nues. Et l'on planta des fleurs dans ses cheveux, et l'on attacha les 20 boutons de ses gants de peau noire. Et cette créature humaine, meurtrie dans son âme et dans sa chair, se sentait emportée comme un cauchemar. Elle voulait pleurer et ne pouvait pas. Et il lui semblait que sa vie s'en allait goutte à goutte. Et elle se demandait si la mort. Ce n'était pas ça, ce supplice atroce qu'elle endurait. Mais la mort sans l'oubli est avec la pensée. Le second acte de Francillon allait commencer quand Monsieur et Madame de Rion entrèrent dans leur loge, la loge 27, bien de face. Un frisson courut dans la salle. On avait tant parlé de la mort de compositeur dans les couloirs. La comtesse ignorait donc le suicide de son amant? Impossible. Alors, on s'était trompé. Henri Servin n'avait été que son ami. On remue tant de potions à Paris. Est-ce qu'on pénètre jamais dans la vérité des choses? Pourtant, cette femme livide faisait peur à ceux qui devinaient la tragédie. L'épouvantable tragédie que se jouait là-haut, dans cette loge en velours rouge. Messieurs de Rion sentaient peser sur eux la curiosité anxieuse et menaçante de la foule. Il se pencha vers la comtesse et très bas. « Courage, Fernande. L'opinion. On nous regarde. » En effet, à l'orchestre, on se retournait pour mieux voir et les rencontreurs couraient de fauteuil en fauteuil. Dans un coin jasaient 3 Parisiens. Le premier dit « Décidément, il n'était pas son amant. » Le second répliqua d'un ton insouciant « Pouf !» Le 3e ajouta, avec un rire bête, lourd, un rire lâche. « Je vais monter raconter l'histoire dans sa loge. Lorgnez bien la comtesse. Vous verrez la tête qu'elle va faire. » Fin de chapitre 75.